La nuit tombe et toutes ces filles me dégoûtent. La nuit tombe et ce fut le coup de trop. Vieux con pédale, toi tu m'as trop insulté. Pour la gente féminine, moi ne suis qu'un paumé. Toi femme, moi je t'offre la lune. Mais toi tu me la rends. Et c'est toute ma fortune. Qu'est-ce qui m'empêcherait de devenir pédé? Qu'est-ce qui m'empêcherait enfin d'être aimé? L'amour n'est point là, mais toi non plus. Bien longtemps que tu ne me respectes plus. Mes amours non réciproques ont trop duré. De toutes ces filles, je suis désespéré. Toi, femme, tu m'as dégoûté de l'hétérosexualité. Je crois qu'un avenir meilleur pointe le bout de son nez. Qu'est-ce qui m'empêcherait de devenir pédé? Qu'est-ce qui m'empêcherait enfin d'être aimé? Toi garçon de 15 ans récemment rencontré, ton allure de Rimbaud et ton look de paumé. Avant tout tu es un peu ce que j'ai été, après tout tu es ce dont j'ai toujours rêvé. Cette nuit dans les méandres des alcools digérés, je rêve d'avoir ta peau sous ma peau salivée, respirer ton parfum, ton sourire déchiré. Alors un peu plus tard moi je t'appellerai, faisant un bras d'honneur à ces filles possédées, épanouies enfin d'un avenir mérité. De devenir pédé, oh, qu'est-ce qui m'empêcherait enfin d'être aimé, épanoui enfin d'un avenir mérité.